Vous suivez Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de mes multiples projets? Devenez Patreon! patreon.com/papacassette. Alors bonjour à tous et bienvenue à un épisode spécial de chez Papa Cassette. Je suis en compagnie de Martine. Salut! Allô! Qui est maintenant copropriétaire de Retro MTL. Donc, dans le dernier épisode, lors du dernier épisode, Fred Gémus, qui était propriétaire ici, avait déjà publié un épisode de son podcast, Entre deux parties, où est-ce qu'il expliquait son départ de Retro MTL. Donc, suite à ça, j'ai eu mon épisode pas longtemps après. Il y a des auditeurs qui me demandaient « Hey, parlez pas de Fred, grosse nouvelle. » On pouvait pas en parler tout de suite parce qu'il y avait une seconde étape à ça. C'était l'arrivée de Martine en tant que nouvelle propriétaire chez Retro MTL, dans le fond. Alors, vous pouvez écouter l'épisode de Fred Gémus, Entre deux parties. C'est disponible sur YouTube et puis en audio partout, comme moi. Pour avoir sa version, qui est comme la nôtre, là, tu sais, et puis où est-ce qu'il raconte des moments, le fun qu'il a eu chez Retro MTL, puis qu'il raconte sa démarche de pourquoi son départ et tout. Puis moi, bien sûr, je voulais en parler aussi. C'est quelque chose qu'on a tous vécu ensemble. Et puis Martine était bien d'accord de venir dans le spectacle. Dans le spectacle. Pour raconter un peu, elle, sa réflexion derrière ça. Puis comment ça s'est passé, parce que c'est deux choses. Il y a le départ de Fred, l'arrivée de Martine. Il aurait pu aussi avoir le départ de Fred, puis Martine continue à être une employée. Donc, c'est ça. Là. Il y a deux affaires qui sont arrivées. Puis, là, je vais parler un petit peu. Je pensais parler un peu faire un petit retour sur les origines vite fait de Retro MTL. Fred en a parlé beaucoup aussi sur son show. Je vais pas tout relater là, en long et en large, là. J'en ai déjà beaucoup parlé, vous connaissez la business. Puis après, on va aller un peu dans les réflexions de Martine et puis la réalité de ces événements-là. Et puis tes réflexions aussi, hein, parce qu'en part, t'es un peu initié tout ça également. Oui. En effet, j'aime bien initier. Fait que c'est ça, ben pour Retro MTL, vous le savez, au départ, Fred et Joe faisaient de la vente de leur côté, puis moi j'étais fresh d'être un petit peu plus libre avec Arcade MTL. J'avais arrêté de faire de la vente pour me concentrer sur l'ouverture de l'arcade, puis après que l'arcade soit capable de fonctionner seul, ben beaucoup soit plus à l'aise, roule. J'avais envie quand même de me remettre à la vente. Donc, Fred et Joe étaient des amis à moi. Fred et moi avions déjà fait, comme il dit dans son podcast, de la vente ensemble, où est-ce qu'on avait acheté un quasi full set à quelqu'un pour compléter nos sets, pour faire la course au full set NES ensemble. Et puis, on avait de la bonne expérience de vente. Et puis, on est tous devenus des amis dans les soirées Papa Cassette et tout. Fait que bien du plaisir. Puis, je voulais aller avec eux aussi parce qu'ils faisaient déjà du en ligne, qui est, selon moi, la base de tout dans cette business-là. Puis, ils le faisaient déjà très bien. Puis, on avait aussi Martin, qui est copropriétaire de l'arcade, qui était copropriétaire de l'arcade, qui s'est joint à nous. Fait qu'on était quatre. Puis finalement, Martin, il a quitté assez tôt, fait qu'on est redevenu trois. Puis c'est à partir de ce moment-là que, tu sais, on a vraiment lancé le truc puis essayé de faire de Retro MTL une vraie business, plus que juste des gars qui vendent des jeux, tu sais. Donc, les taxes, maintenant, on charge les taxes. On va faire un rapport d'impôt, tu sais, comme pour des vraies affaires. Époque où je vous disais, coudonc les gars, êtes-vous fous? C'est quand même risqué, partir un magasin d'usagers et tout ça. Puis j'étais comme, waouh, c'est ça, je vous trouvais assez courageux de lancer là. Puis tu sais, on savait pas trop ce qu'on faisait non plus. Là. C'est comme, ah ouais, on le fait. Tu sais, c'était le rêve là, en même temps. Mais on a vraiment fait ça, tu sais, comme, avec c'est un plat de cabochon, là, comme je dis, au sens qu'on pensait que. On allait avoir un petit shop, tu sais, puis moi j'allais travailler là à temps plein dans le jour en faisant du graphisme, en répondant à quelques clients. Joe va venir la fin de semaine, Fred va venir la fin de semaine pour aider, puis finalement, ça a été un succès fulgurant dès le départ. Alors, donc moi et Jonathan, on a laissé nos carrières de côté. Moi, j'ai arrêté de faire du design graphique à ce moment-là, tu sais, en plus de travailler au magasin. Quoi, bon, j'en ai fait de temps en temps un peu pour patcher, là, mais... T'sais, rien, là. Des peanuts, parce que j'étais plus capable. C'était trop, avec l'arcade, le magasin et tout. Fait que c'est vraiment pour moi, à partir de ce moment-là, que je me suis mis à vivre de mes entreprises à 100% sans faire de graphisme, de contrat. Je fais du graphisme pour mes entreprises à la place. M'en sors pas. Et puis, Joe, lui, a laissé aller sa carrière de plombier sur les chantiers, un plombier professionnel. Un vrai plombier, là, tu sais, qui fait des grosses jobs. Puis, Fred, lui, a continué à travailler il travaillait chez Ubisoft à l'époque. Et puis, il a transitionné chez Tribute Games à ce moment-là. Puis, il a continué à travailler là-dedans. Fait que dans les premières années, Fred était quand même très présent, tu sais, c'était vraiment notre business les trois, même si moi et Joe on était sur place, Fred il était là aussi, tu sais, on se parlait tout le temps, là, le soir, la fin de semaine, qu'est-ce qu'on fait, fait qu'on a vraiment poussé ça, les trois ensemble, jusqu'à la COVID, et puis on a traversé la COVID, ça a été quand même profitable pour RetroMTL, la COVID, tu sais, comme on a fait plein de ventes, les consoles ça partait et tout, fait que business-wise, ça c'était bon, bien sûr c'est du gossage de passer au travers de toutes ces affaires-là, mais on l'a fait, et puis avec le temps, Fred, t'sais, qui était ici quand même régulièrement, avait de moins en moins le temps pour être ici. Il y a beaucoup de... Professionnellement, il était bien occupé avec des projets super le fun. Les Turtles, vous avez tous vu ça chez Tribute. Et puis, Fred et Fanny ont eu deux enfants quand même. Depuis. T'sais, RetroMTL a officiellement, t'sais, 5... on va avoir 6 ans en mai prochain. Fait qu'on a 5 ans et demi, et durant ces 5 ans et demi-là, Fred a eu 2 bébés, Joe a eu un autre bébé. Un ou deux, peut-être même. 2 bébés, parce que... Ouais, c'est vrai, c'était le terrain, oui. Joe aussi a eu 2 bébés. C'est ça! Il y a juste nous qui n'avons pas eu de bébés, finalement. Ouais, moi j'en ai pas eu d'autres, là, tu sais. Fait que c'est ça, Fred, tu sais, comme, si vous avez des enfants, c'est... Vous savez ce que c'est, là, l'arrivée d'un bébé. Après, là, t'en fais un deuxième, tu sais, ta vie est plus la même. Puis si vous n'avez pas d'enfant, vous pouvez pas savoir, tu sais, à quel point c'est prenant, là, tu sais. Ouais, avec son autre job à temps plein aussi, là, veut pas. Exactement, tu sais. Fait qu'il y avait de moins en moins de temps. Et puis, à cause de ça, on avait besoin d'aide aussi, parce que moi et Joe, on faisait notre possible, mais l'entreprise a continué à croître tout le temps. Et puis, rendu à ce moment-là aussi, on n'était plus juste dans notre petit local là-bas, coin Bourbonnière, Hochelaga. On avait loué déjà le deuxième étage de où on se situe présentement. Donc, on était aux deux places parce qu'on manquait d'espace. On avait plus de stock, plus de staff, puis plus de gestion. Fait que là, on n'y arrivait pas. on faisait notre possible, tu sais. Puis, c'était tough, tu sais. Fait qu'on avait besoin d'aide et puis, on avait besoin d'aide, c'est sûr, mais on n'était pas en recherche d'aide officiellement, genre vite, faut trouver quelqu'un, tu sais. Fred était encore présent, moins, mais il était présent quand même, tu sais, pour toutes les décisions. Et puis, moi et Joe, on rush un peu, mais on n'était pas tant à la recherche. Mais je savais, nous on est des amis depuis longtemps quand même. Ouais, sûrement 10 ans. Ouais, peut-être même plus. Exact. T'écoutais Rétro Nouveau, mais on s'est vu pour la première fois quand t'es venu une soirée Papa Cassette dans mon premier petit local. Oui, qui était ta deuxième soirée en fait, parce que la première j'étais en vacances. Ah, voilà. J'étais là la deuxième. Exact. Fait que c'est là qu'on s'est vu en vrai, puis que, ah Martine, tu sais, Tilburg, ça me disait de quoi, parce que tu sais, t'étais... Ben, t'avais sûrement déjà commenté sur des publications et tout. Ok, mec, c'est elle, tu sais. Fait qu'on s'est connus là. Puis là, à ce moment-là, moi, j'aime ça lancer des perches puis des graines partout autour de moi. Et puis, je savais que t'étais malheureuse, quand même, peut-être. Ben, pas dans le temps de l'arcade. Non. Là, on revient où est-ce qu'on était. Oui, on revient en 2021. Moi, Joe, on rush, Fred, on est tous là. Qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Puis, c'était l'été, je pense. Puis, je t'avais lancé une petite balle de même. Comme, hey, Martine, viens donc travailler pour nous autres. Puis là, tout le monde, ah, quelle bonne blague! Ben oui, parce que de toute façon, on a toujours, à chaque fois qu'on se voyait à l'arcade, on parlait souvent business. Tu savais que j'avais géré de l'inventaire toute ma vie, puis on aimait ça en parler. Là, les deux, c'est une passion. Fait que tu savais un peu qu'est-ce que je touchais. Puis là, ben, cette fois-là, c'était une blague. Je venais de commencer une job chez Lowe's. Là. C'était très, très, très intense et exigeant. J'étais pas sûre que j'avais fait le bon choix après 10 belles années chez Rickman's. Fait que ça m'a trotté dans la tête, cette offre-là. Mais en ayant travaillé en grande entreprise toute ma vie, je suis comme, oh, oui, une PME, ça me semble risqué. T'sais. Puis moi, j'aime pas bien ça, le risque. Ouais, Martine n'est pas très tolérante au risque, en fait. On travaille là-dessus. Ouais, fait que c'est pour ça que je suis wow, tu sais, tout laisser tomber, aller en PME, tu sais, allez-vous même être capable de me payer, tu sais, je veux pas. Ben ça c'était un enjeu important là, bien sûr. Parce que tu gagnais bien plus à travailler chez Lowe's. Ben, par contre chez Lowe's, tu sais aussi eux autres une façon de retenir les gens, c'est de les payer très cher. Ils les burn, mais en même temps, c'est une cage dorée. Là. Ils payent cher, fait que si tu veux souffrir, tu vas être bien payé, tu sais. Exact. Fait que ben, j'en ai parlé avec mon chum, puis tout ça. Puis justement, tu sais, je fais partie de ceux qui n'ont pas d'enfants. Donc, comme écoute, il n'y a pas tant de risques que ça. Là, si je perds ma job, j'ai pas d'enfants à nourrir. Fait que on l'essaie. Ben oui. Ben oui, puis c'est un salaire moindre, mais ça discute aussi avec François, là, tu sais. Tout le monde soit à l'aise avec ça. Tout le monde, puis tu sais, nous autres, on peut pas faire des promesses non plus, tu sais, on n'est pas millionnaire. Fait que, mais c'est ça, c'était un enjeu important. Puis that's it, tu l'as essayé, mais t'étais bien nerveuse, tu sais, au sens que Martine pensait qu'elle allait tout perdre, là, tu sais. Hey, Martine, tu sais, tu vas pas perdre tes 15 ans d'expérience, tu sais. Ah oui, j'avais peur pour mon CV. Ben oui, mais moi, je trouve que c'est beau sur le CV d'avoir essayé. Si ça avait pas marché, tu viens, ouais. On ferme, ça chie. Ben, t'as essayé, tu sais, t'es allé en PME aussi, tu sais, c'est un autre volet du CV qui est intéressant. Oui, puis là, au contraire, tu sais, je suis arrivée ici, puis là, je suis mon Dieu, je peux tout faire. Oui. C'est ça qui était le fun, c'est que, tu sais, je faisais beaucoup de gestion d'inventaire puis de ressources humaines dans mes autres emplois, mais là, ici, bon, c'est comment, on développe une macro, là, je fais de la programmation des fois, tu sais, fait que c'est vraiment touché à beaucoup plus de choses et c'est infini. Oui, vraiment, ben, t'as quoi, t'as fait? Ben, du marketing première... que je faisais pas non plus... Du quoi? Là, tu sais, tout ce qui est marketing, Google Ads, tout ça, tu sais, j'avais jamais touché à ça, être impliqué dans les projets de ça ou ces trucs-là. Ben, absolument, mais on avait bien des problèmes à régler aussi tout de suite quand t'es arrivé, là, fait que ça nous a aidé. Ben, beaucoup de gestion des opérations, puis d'amélioration de processus, là, ça en ouais. Quoi j'avais étudié, mais que je faisais pas assez, fait que là, c'était le fun, là, je me suis assis avec tous les employés, je comme, dites-moi tout ce qui vous gosse, que ce soit dans le système, n'importe quoi, tout. Puis on est allé un projet à la fois, on a battu plusieurs la première année. Ouais, la première année, oui, on avait des enjeux de sécurité aussi, tu sais, on était un peu cow-boy sur tout, là, tu sais, fait qu'on a... On a sécurisé toutes ces affaires-là quand même. C'est vrai, t'as comme instauré plusieurs procédures importantes. Tu sais, puis des affaires, des détails comme les employés qui mettent les jeux de côté, tu sais, ouais. Que... Nous autres, on checkait pas trop, on laissait ça dormir, pis tu sais, il y en met, il y en enlève, il y en met. Il y en a pour 15 000 piastres, gang! Les employés laissent ça là, tu sais, en stand-by pour toujours, tu sais, nous autres, on n'a pas le temps de gérer ça, tu sais. Fait qu'on se rendait compte, ils nous doivent pas mal d'argent, là, s'ils achètent ça, ça fait bon sens. Fait qu'il faut mettre une procédure là-dessus, tu sais. Et puis ouais, pour les RH, ça a vraiment fait du bien, tu sais, on a perdu deux bonnes employées aussi, qui sont partis comme tu venais d'arriver, là, tu sais, mais le dommage était déjà fait. Fait que moi, je considère ça comme un échec. Je suis bien déçu de qu'on ait raté ça. Mais maintenant, c'est bien droit. Et puis, c'est pas mal mieux organisé à ce niveau-là. C'était une belle adaptation aussi, hein, parce que moi, je venais de très, très corporate. Fait que moi, les règles, ça, faut les suivre. T'sais. Toi, t'es un peu plus cowboy. Fait que il a fallu apprendre à travailler ensemble. Puis là, on arrive toujours à des bons compromis, je trouve. Oui, oui, absolument. Ben, ça prend des règles. J'instaure pas les règles, mais j'aime quand il y en a. J'aime que ça soit droit un peu, là. Mais c'est pas tout croche non mais plus. Mais non. Comme je veux dire, la paperasse, la business, on paye du monde, tu sais, c'est drette, là. L'argent était drette, là. T'étais surprise de ça, d'ailleurs. Oui, j'étais comme, waouh! Parce que Dominique a toujours été travailleur autonome, mais qu'il y a une belle façon. Ben, pas toujours, là, mais longtemps. Là. Ouais, longtemps. Fait qu'il y avait une belle façon de classer les dossiers pour les taxes. Le taxe impôt ici, ça a toujours été sa coche. Oui, l'argent est propre. Fait que t'as commencé ici, ça fait déjà trois ans. Le 4 octobre 2021. Ouais, on l'a mis sur le pause, c'est ça, exact. 4 octobre 2021, 3 ans. Exact. Fait que, tu sais, là, t'es arrivé, là, ça nous a comme tout débloqué, ça nous a aidé, ça nous a permis de penser à des plus grosses affaires, tu sais. Puis c'est drôle aussi, tu sais, par rapport à ton salaire, tu sais, c'est comme, c'est pas tangible, tu sais, au sens que toi, tu vas avoir ce salaire-là, mais on le reprend où, tu sais? Ouais. Parce que tu vas améliorer les processus, on va être efficace, tout, mais on va pas faire plus de ventes, ouais. Là, tu sais. Fait que, comment ça se rebalance? Tu avais dit, je vais rentabiliser mon salaire en un an. Sinon, c'est terminé. Sinon, c'est terminé. Et finalement, ça s'est très bien rentabilisé. Puis au contraire, ça l'a beaucoup aidé. Ben, alors vous, entrepreneurs à la maison, pensez à ça aussi. Il n'y a pas juste faire plus de ventes puis tout faire soi-même. Des fois, ça peut être intéressant d'essayer d'investir sur un asset supérieur, tu sais, qui va coûter cher, mais qui va en même temps comme se rentabiliser très vite et ô combien vous aider dans bien des choses que vous pourrez avoir besoin, tu sais. Fait que ça, c'est, je trouve que c'est une bonne. C'est, je suis très fier de ça. Je suis bien content qu'on ait fait ça. Et puis, où est-ce que j'en ai. Qu'est-ce que je dis avant ça? Ouais, fait que, donc, tout était clean, tout allait bien. Fait que par le fait même, t'as repris pas mal tous les dossiers à Fred. Ouais. Fait que Fred, il n'y avait plus vraiment les mains dans rien, tu sais, rien d'important. Mais il venait quand même, sur une base quand même régulière, discuter avec nous. Oui, des meetings à peu près à toutes les semaines. Je dis rien d'important, c'est pas vrai. En fait, Fred, c'est comme devenu un peu ça, puis c'est ça qu'il raconte dans son podcast aussi. C'est que Fred est devenu. Un moment donné, on avait juste besoin de Fred pour signer un prêt, pour endosser un bail, pour, tu sais, comme pour prendre des responsabilités ou pour qu'on le consulte pour des gros moves. Et puis, mais tu sais, pour le développement, le day-to-day, non, là, tu sais. Fait que de son côté, Fred, c'est comme plate parce qu'il peut participer au développement, il participe pas à ça, toutes les affaires existantes, la création de la nouvelle boutique, tu sais, bien, on demandait, on lui a tout montré, tu sais, voici de quoi ça aurait de l'air, voici le nouveau branding. On va engager une designer pour nous aider à comment on va le faire. On va prendre un prêt pour la décoration. On va faire ci, on va faire ça. Puis je remercie Fred d'ailleurs de nous avoir fait confiance là-dedans à 100% puis de jamais avoir challengé, genre, tu sais, comme non, faites pas ci, faites pas ça. Tu sais, il nous a vraiment laissé carte blanche. Il a apporté quelques idées aussi, là, quand il venait, des fois, il y avait des bords. Des bons flashs aussi. Ben oui, absolument. Avec nous. Absolument. Ben, je veux dire, on a bâti l'autre magasin avec Fred, là, tu sais. Fait qu'on. Fred a des bons flashs, t'es un entrepreneur aussi, donc ça, c'est pas ça l'enjeu. Fait que c'est ça. Donc, lui est de plus en plus occupé, deux bébés, moins le temps. Nous autres, on est focus, on développe, on est tout le temps dans les affaires, fait qu'on se parle plus de rien, sauf comme, hey Fred, faudrait signer le papier de la banque. OK, bye. Fait que c'est moins intéressant. Fait que c'est là que, tu sais, on a commencé à réfléchir puis à avoir des discussions que, tu sais, ça serait peut-être le moment de parler de peut-être un départ, tu sais. Lui, il a moins de temps, il veut s'enlever une charge mentale. Nous, de notre côté, ben justement, on veut pas être obligé de dépendre de quelqu'un qui est pas nécessairement là ou qui a pas nécessairement, tu sais, comment dire, Fred n'étant pas ici dans le day-to-day, il n'est pas nécessairement au courant de... Il ressent pas, mettons, l'élan qu'on peut avoir pour un projet important comme acheter l'immeuble. Puis tu peux pas acheter l'immeuble sans... Fred est actionnaire, il faut qu'il dise oui, tu sais. Mais en même temps, il faut le mettre à jour là-dessus, puis là, il faut le convaincre. Mais je veux pas dire qu'il était d'accord ou non, whatever, je vais juste exprimer que, tu sais, c'est des gros enjeux. Et puis, s'il y a une personne qui est pas là, mais qu'il faut comme qu'elle accepte des gros enjeux, puis des grosses cautions, puis de faire des gros moves, c'est moins le fun pour cette personne-là, tu sais. Puis c'est plus compliqué pour nous autres aussi, parce que, justement, il faut avoir un avis supplémentaire, puis passer par une personne, fait que ça ralentit un peu, là, tu sais. Fait que c'est ça, on s'est assis les trois, moi, Jonathan, puis Fred, et puis on a discuté de tout ça en février dernier, je crois. Oui. Exact. Et puis, on est venus les trois en accord que c'était le moment, puis qu'on allait aller de l'avant avec ça. Fait que là, on l'annonce, ça, tout ça a été annoncé en décembre, fait que ça a pris quasiment un an, genre 10 mois, tu sais. Puis, c'est pas si simple, tu sais, parce que, ben, moi, Fred et Joe, on est trois amis. Et puis, avant tout, on l'est encore d'ailleurs, ça, c'est pas le problème. Mais, tu sais, là, en amitié, c'est une chose, mais là, maintenant, il faut définir la valeur de l'entreprise. Combien on te donne, tu sais, c'est pas 2000$, là, tu sais. Fait que C'est des discussions à avoir. Je l'ai fait l'année passée avec deux partenaires de l'arcade, et puis je l'ai refait avec Fred, puis je l'ai déjà fait dans le passé pour des petites gigs. Mais c'est jamais évident, tu sais. C'est une négociation au final. Fait négocier de la grosse argent avec des amis, tu sais, c'est un petit peu. C'est pas comme avec quelqu'un que tu t'en fous, là. Exactement. T'sais, tu veux pas te chicaner, tu veux. Tu mets pas ton poing sur la table, tu sais, comme là, tabarnak, tu sais. Je dis pas que c'est ça, on est jamais venu à ça, tu sais, mais c'est quand même. On n'est pas arrivé en partant au même montant. Bon, ben parfait, c'est ça, tu sais. Fait qu'alors, si on explique comme notre point de vue, il explique son point de vue, et puis les deux points de vue sont legit, tu sais, puis on en vient à une conclusion. Et puis, un coup que cette conclusion-là est convenue, ben là, on fait affaire avec un avocat. Des fiscalistes. Que là, eux autres vont nous expliquer comment, c'est quoi la bonne façon de le faire. Puis là, ben, il y a des façons pour une compagnie de payer un actionnaire sortant. Il y a de l'impôt à tenir compte. Parce que si une compagnie paye, c'est une chose. Si c'est un particulier, c'est une autre chose. Donc, il y a beaucoup de façons, disons, de faire une opération de ce genre-là. Et puis, avant d'en venir là, par contre, un coup que c'était entendu que Fred partait, ben moi et Jonathan, bien sûr, Martine étant sur place depuis deux ans à ce moment-là, en effet. Puis tout allait tellement bien, puis tout, on avait tellement de fun, tu sais, fait qu'on t'a proposé les parts de Fred. Puis, t'as pas dit oui tout de suite. Ça en est venu des mois de réflexion. Parce que, ouais, c'est ça, tu sais, les gens, ce qu'on réalise pas, puis oui, là, c'est une super belle proposition, puis je suis vraiment, vraiment heureuse d'avoir sauté, là. Merci à Dominique d'avoir poussé quand même un peu là-dessus. Mais comme on disait en début de show, tu sais, je suis pas très. Le risque, là, j'aime pas ben ça, tu sais. Puis oui, quand une business va bien, ben c'est le fun, puis il n'y en a pas de problème, puis la vie est belle, puis c'est pas stressant, c'est pas vrai, c'est toujours stressant, là. Mais c'est comme, oui, c'est vrai qu'on peut participer aux bénéfices et tout ça. Mais ce qu'on réalise pas des fois, c'est que ça vient avec un gros risque en PME, parce que si un jour le coût extrême arriverait de la faillite, puis qu'on n'aurait même pas assez d'argent, mais faut les actionnaires le back personnellement, tu sais, puis les gens ils réalisent pas ça. Oh ben je pense qu'ils réalisent. Ben je sais pas, non, souvent moi les gens qui j'en parle sont comme ah mais t'es pas protégé derrière un autre compagnie, puis tout ça, tu sais, le monde réalise pas que c'est backé personnellement, ben. Tu sais. Fait que c'est ça. Fait que ça vient aussi avec des risques, des responsabilités, puis ça peut être stressant. Oui, ça peut être stressant, mais la compagnie est en santé, tu sais, puis... mais même, comme tu dis, une compagnie en santé, c'est quand même ton argent, ton nom, tu sais, sur tous les papiers. Et puis, c'est ça, il faut que ça aille bien. Oui, puis tu sais, on était dans un mode aussi, on écoutait beaucoup de podcasts, start-up podcasts, puis on se parlait des épisodes, tu sais, puis tout ça. Puis tu sais, il y en a des success stories, là, comme Juliette et Chocolat, ça allait super bien, puis là, COVID arrive, faillite. Exact. Puis il y avait zéro dette, là, tu sais, puis ils ont quand même fait faillite, fait que je veux dire, ça arrive, même quand ça va super bien. Fait que, n'étant pas très tolérante au risque, ça me stresse un peu. Mais après avoir écouté plein d'autres épisodes sur la faillite, ça m'a rassurée. C'est pas la fin du monde, finalement. Non, non. Ben, pour vrai, j'écoute beaucoup de podcasts d'entrepreneuriat. Et puis, surtout, quand il y en a qui parlent de faillite, moi, ça m'intéresse au bout, tu sais. Puis, d'un, c'est pas la fin du monde. Puis, les gens, ils viennent pas chercher les cuillères dans la bouche des enfants à la maison, là, tu sais. Il y a des entreprises qui s'occupent de ça, là. Raymond Chabot. T'appelles Raymond Chabot, puis ils s'organisent. Puis Raymond, il débarque. Raymond débarque, puis ils s'organisent pour pas que tu perdes ta maison, tu sais. Fait que c'est ça. Mais cela dit, tu sais, nous ici, puis moi aussi, là, j'ai besoin de sécurité, là, quand même. Là. J'ai deux enfants, j'ai une maison, tu sais, j'ai besoin d'un salaire, là, tu sais. Puis, mais ici, on est quand même, tu sais, backé au sens que si jamais il faut fermer, ben. On peut payer nos affaires et s'en sortir, tu sais, sans qu'on mette une scène. T'sais. Fait que du moment qu'on est de même, moi c'est de même pour mes entreprises. S'il faut qu'on ferme, qu'on n'a pas à mettre une scène, tu sais, qu'on finit break even, c'est good, là. Je suis prêt à continuer de risquer, tu sais. Ouais, puis, tu sais, au final, tu sais, c'est un peu ça. C'est que je suis comme, hey, finalement, je savais même pas que je voulais venir en PME. C'est devenu ma job de rêve, finalement, tu sais. Je fais ce que je veux, quand je veux, je touche plein d'affaires, on a du fun, tu sais. C'est avec des produits que j'aime aussi, tu sais. Ben oui, parce que t'es une grande gameuse, toi aussi, d'ailleurs, là, tu sais, en passant. Ouais, puis, tu sais, je trouve ça drôle parce que j'avais dit Simon Lachance chez Bruiser, puis on s'était pas vu pendant des années. On jouait ensemble aux jeux vidéo quand on avait 6 ans, tu sais. Puis quand on s'était revu 20 ans plus tard, je disais, hey, toi, t'as réussi ta vie, tu travailles dans un jeu vidéo, tu sais. Comme, j'aurais aimé ça, moi, réussir ça. Puis finalement, tu vois, quelques années plus tard, finalement, j'en vis aussi, tu sais. Ben oui, dans une autre forme, mais une forme qui correspond quand même à ta carrière et à ta profession, là. Puis, ouais. Puis je réalise que ça fit bien plus avec ma personnalité, finalement. Je suis pas très patiente, hein. Puis là, le fait qu'on n'a pas besoin d'attendre après d'autres départements. Ah, on a tellement du fun avec ça. Moi, j'entends, puis ma blonde travaille au gouvernement, tu sais. Puis mon chum aussi. Ben oui, puis on connaît du monde dans les grandes entreprises. Puis tout. Ici, on peut tellement faire ce qu'on veut, là. Là, quand on raccroche tantôt, là, si on veut, on peut contracter un prêt de 70 000, puis acheter un truck, puis ouvrir. Là, on peut faire n'importe quand. On a un flash, asti, on le fait. Ouais, c'est vraiment tellement. Puis c'est le fun aussi, la dynamique qu'on a, parce que moi, j'ai plein de flash, tu sais, j'ai plein d'idées. Toi, tu les accueilles, premièrement. Merci de le faire. Et puis tu y réfléchis, tu les prends au sérieux, puis tu contrebalances ça, les choses. Puis c'est une belle dynamique qu'on a, je trouve, et puis qu'on a, qui nous fait beaucoup avancer. Le spark, puis la structure autour, tu sais, comme lightning in a bottle. Ouais, parce que moi, dès qu'on me propose quelque chose, on dirait que mon cerveau, il décortique tout ça. Mais, OK, voici les embûches possibles, voici ce qui va bien aller, voici, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Puis, toujours aussi, c'est quoi le best case scenario, c'est quoi le worst case scenario, puis c'est sûr que ça va être entre les deux, ça va se situer entre les deux, t'sais. Mais si le worst case scenario, il est pas épeurant, ben... Ben oui, exact. Ben aussi, il y en aura des scénarios un petit peu épeurants des fois, il y en a eu, là, t'sais. Ouvrir ce magasin-là ici... Ah, c'est un gros guess! Fallait que le monde vienne, là. Si on n'a pas une augmentation de walk-in, là, Chris, ça marche pas, là. Ah oui, parce qu'on a, tu sais, on dit qu'on a le plus grand magasin au Canada, mais en superficie, pour vrai. Je pense que oui. C'est immense, là. C'est une caisse des jardins. Si vous êtes jamais venu voir ça, c'est impressionnant. Là. Oui, et c'est une belle réussite, je trouve, qu'on a faite, puis avec Jonathan aussi, tu sais. Là, d'ailleurs, on parle, Jonathan est dans le mix avec nous, là, 100%. Il n'est pas sous le show, mais il est dans le mix, puis ouais, on a comme fait ça. Ça a bien été, tu sais. On a eu, oui, là, il y a des petits enjeux, mais tu sais, chaque étape, on les a faites dans le calme. Jamais de sirène, jamais de panique, jamais de « Oh my God, la curveball de fou! » Ah, moi, c'est un des projets que je suis le plus fier. Tout est rentré dans le temps. Là, ah oui, on était pile poil, tu sais, sur l'ouverture. On voulait faire une bière pour l'ouverture aussi. T'sais, tous les side projects qui tournaient autour de ça, tu sais, la merch, les ci, les ça. Le maire qu'on voulait avoir des médias, comme tout a été fait, tu sais. Tout, comme ça, on le voulait. Ça me fait bien rire, tu sais, cet exemple-là, quand tu dis mon cerveau, ton spark, là. J'avais dit au gars combien de bois vous prenez, pensez que ça prend pour déménager, tu sais. Ouais. Puis depuis le jour, je dis, moi, 50. Moi, non, j'ai fait le calcul d'un jeu, il nous en faut 260. Ouais, c'est ça. Tu sais, nous autres, on sort des chiffres de même, on check ça. Bon, 50 boîtes, good enough. Non, mais est-ce que tu fais aussi une contribution importante, tu sais, que nous, on n'a pas ces skills-là, c'est bien sûr d'avoir l'inventaire, tu sais, qu'est-ce qu'il faut qu'on rachète tout le temps, qu'est-ce qu'on a vendu, c'est quoi les quantités, qu'est-ce qu'il en reste, on en a pour combien de temps, faut arrêter d'acheter ça, ou faut slacker là-dessus, on a ben trop fait ça, tu sais, comme à chaque mois, toutes ces analyses-là sont faites, tu sais, on est au courant de nos chiffres. En tabarnak, c'est chose que pas toutes les entreprises peuvent se vanter de, je pense. Et ainsi, ben, on est en contrôle, t'sais. On sait exactement au début, notre pouvoir. Vous étiez pas sûr, hein, Joe, plutôt au début de ces rapports-là. Vous étiez sûr, Martine, ça va servir, tout ça. Puis là, maintenant, c'est rendu que même les employés sont. Là, la fin du mois arrive, là. Quand est-ce qu'on va avoir les rapports? Ils aiment savoir ça, les employés aussi. Les rapports d'erreur dans l'inventaire, tout ça. Ah, tu t'es trompé ici. Ah, ok, t'sais, c'est. Ouais, c'est bien. Combien de consoles on a vendu ce mois-ci, lesquelles on a vendu le plus, est-ce qu'il nous reste des Assassin's Creed aussi? Des fois, on s'en rend plus compte. Comme, on n'a plus d'Assassin's Creed en bas. Oh my God! Puis on a 50 en haut, tu sais. On va en préparer une vingtaine, puis on va injecter ça en bas, tu sais. Faut penser à tout ça. Faut tout checker ça tout le temps. Fait qu'on est tout le temps on point là, sur ces affaires-là. Fait que, mais revenons maintenant aussi à où est-ce qu'on en était. Donc, à force que tu parles avec des gens de ta famille qui sont aussi dans les des comptables, des gens de chiffres, un oncle aussi ou ami de ton père qui a une business, ouais, qui est dans la business. Plus qu'une, il y a deux, trois business. Exact, gros businessman. J'étais content qu'il a dit à Martine, tu sais, comme la sécurité des affaires, c'est une chose, mais tu sais, se lancer, le vivre, c'est tout un autre chose aussi, ouais, à ne pas négliger. Là, oui, exact. Il était comme, on s'en fout des chiffres, mais comme l'important, il dit, ça te rend-tu heureuse, puis c'est tout ça que tu veux. Puis je suis comme, ben oui, c'est ça qui me rend heureuse, et que moi, il n'y a plus de questions, c'est go. Exact. Fait que après mon insistance, celle de Joe, et puis le backup de tous les professionnels de ta famille t'entourant et de tes amis, t'as accepté. Oui, mais là, ça en vient, c'est ça, deuxième négociation aussi, là, parce que ça vient, j'étais encore une fois, c'est OK, mais à quel prix, puis les conventions, puis tout ça, fait que... Exact, parce que dans ce cas-ci, c'est en deux shots, c'est comme le rachat de Fred pour la compagnie, ça c'est une chose, ça c'est entre moi, Joe et Fred, puis ton arrivée, c'est une autre opération. Entre moi, toi, puis Joe. C'est pas toi qui as racheté les parts de Fred directement, alors c'est ça, c'est une autre affaire, c'est une autre entente qu'il faut qu'on aille entre nous trois. Avec une certaine négociation aussi. Puis là, faut vraiment pas chicaner parce qu'on travaille encore ensemble. Exact. Ou est-ce que nous autres, on veut vraiment que Martine elle vienne, tu sais, puis mais elle veut être sécurisée et tout. Alors, c'est une entente qu'on établit entre nous trois. Rappel au fiscaliste, comment on peut faire ça? on veut que les argents, ça fasse ça. On veut que le résiduel du départ de Fred donne ça pour moi et Joe. Puis il faut que tout ça concorde. Alors, on a rencontré deux fiscalistes même qui nous ont expliqué bien des scénarios aussi de comment faire ça. Fait que, tu sais, puis là, du back and forth, puis les avocats, puis les fiscalistes. Puis là, finalement, on s'est entendu avec Fred aussi. Parce que tout ça s'est fait en même temps, tu sais, comme des négociations avec Fred, des négociations avec Martine un peu, et puis comment est-ce que... Puis tu sais, il y a l'argent, mais il y a aussi des clauses là-dedans aussi qu'il faut qu'on négocie. Alors ça, c'est de la discussion aussi, ça rajoute des affaires à s'entendre entre nous. Mais tu sais, ça peut être des détails, là, mais tu sais, juste s'il y en a un qui devient valide, il se passe quoi, tu sais, c'est comme... C'est tout, faut que tu penses à tout, tu sais, c'est ça qui est fou. Là. Exact. Ben ça sera dans la convention d'actionnaire. Parce que ça, c'est une autre affaire. On n'avait pas de convention d'actionnaire. Faites jamais ça, je sais, c'est pas moi. Moi qui aime les règles, je suis comme, c'est pas de convention. Je suis comme, là, si j'embarque, faut une convention, gang. Exact. Mais là, ça, c'est pas fait encore. La troisième et dernière étape. Parce que ça, OK, là, on va la régler après, là, parce que ça, c'est une autre affaire. Puis rendu là, Fred, il est plus là du tout. C'est pas à lui à payer ça. Fait que c'est autre chose. Donc, pour que tout se fasse en même temps, les bonnes étapes, Fred, c'est d'accord, il signe, on le paye. Après ça, Martine arrive, elle signe, l'entreprise se transforme, devient comme ça, le registre des entreprises est mis à jour, tous les papiers sont là, tatata. Tout ça, c'est terminé, dans le fond, cette semaine. Oui. Ce lundi. C'est quoi la date? On est quelle date? On est le 13. Vendredi 13? Oui, on est vendredi 13. Ah. Fait que c'était le... Voyons, on est bien pas bon, le 10. Le 10, c'était 9? C'était le 10, ouais, c'est ça. Lundi, le 10. C'est ça? Lundi, le 9. C'était lundi? Ben lundi, c'était le 9. Mais je pense que... Mais l'annonce a été faite le 10. Je pense que ça s'est fini de signer le 10. Ouais. On va dire que la date, c'est le 10. Ouais, c'est un beau chiffre, 10. Fait que voilà. Puis Fred, ben lui, c'était une semaine avant. Fait que tout ça s'est fait ainsi. Alors, comme Fred le dit dans son podcast, on demeure tous des amis. Et puis, tout le monde a eu ce qu'il voulait là-dedans. Et puis, tout a été entendu, puis tout est clair. Puis, il nous laisse ça. Alors, on a eu... tu sais, Fred, c'était vraiment... C'était nous trois, tu sais, moi, Joe et Fred, vraiment la fondation de la business dans l'autre local. Puis toi, ton arrivée, Martine, je trouve ça représente plus un peu le nouveau magasin ici, là, tu sais. Fait que c'est deux aires différentes un peu pour Retro NTL, mais on a plein de souvenirs incroyables de l'ancienne itération et de tout ça. Alors, on aura vécu bien des choses, Puis on aurait eu bien du fun. Fait que, puis je le répète, on est des amis encore. Regardez les Game Awards, tout le monde ensemble hier. Sauf moi, parce que j'avais un examen. Ouais, un examen de comptabilité. Donc, merci Fred, merci pour tout. Et puis, voilà. Fait que là, nous autres, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? T'es bien occupé hein, avec le temps des fêtes. On dit, c'est comme un gros mouvement pas. La période des fêtes, c'est très achalandé. Fait que des beaux défis de Post-Canada et de TPS temporaire. Profitez-en, le congé de TPS, gang. Absolument, à partir de samedi le 14. Alors, une autre chose que Martine s'est mise à faire en étant ici, elle a les mains dans tous les engrenages. Là. C'est moi qui a fait de la programmation. Elle connaît Shopify de A à Z, elle fait de la programmation aussi, elle édite des scripts, elle fait des affaires. Fait que comptable, RH, processus, programmeur, bien des choses. Bien des choses. Fait que, ouais. Ben, merci Martine de t'être. Merci de nous avoir proposé ça. Je suis pas contente. Pour vrai, maintenant là, que j'ai plus peur du risque, je suis bien contente de tout ça. Ben écoute, on est très inspirés par tout ça et puis on a plein de belles idées pour le futur. Mais là, cette année, on a ouvert le nouveau magasin, là, mais outre ça, on n'a pas fait de grand projet. Wow, le grand projet de cette année, c'était ça. C'est un très gros projet. C'est un gros projet quand même qui prend beaucoup de temps puis qu'il y a beaucoup de meetings et de discussions et d'argent impliqué. Puis pour vous, vous voyez rien de ça, ça change absolument rien à vos vies. En tant que client non plus. Fait que, tu sais, tout ça, c'est comme avoir une maison, tu sais, puis faire des rénos sur le solage. Tu sais, personne ne le voit, mais il y a des affaires qui se passent. fait que c'est ça. C'est ça qu'on faisait. Mais oui, on va avoir du fun. On est bien motivés. On a une autre belle idée à midi, une petite idée, le fun. Puis on est libre de faire tout ce qu'on veut. Alors, on s'amuse bien, puis on s'entend bien les trois avec Joe, on se complète bien aussi, tu sais, chacun ses forces, vraiment. Alors, on est en grosse business. Pour encore au moins 100 ans. Ah oui, 100 ans, on va être millionnaire sur nos yachts privés, faites en Mario Ducante, moulé en Mario Ducante, puis en sports... Sports champion de PS3. On a beaucoup. Et Uncharted, tous les Uncharted de PS3. On va tout couler ça, puis se faire un bateau, puis aller en vacances. Ouais. Fait que voilà, c'était juste un petit épisode court comme ça pour vous expliquer la chose. J'espère que ça vous a plu. Cet épisode spécial-ci sortira avant Noël, donc c'est un petit goodie pour finir l'année. Et puis, sinon, on se revoit en janvier, puis suivez ma page Facebook, je continue de publier des affaires. Joyeuses fêtes tout le monde! Joyeuses fêtes! Ciao!